Quand nous fûmes ensemble, je la mis sur cette voie en faisant un récit fidèle de ce que j'avais vu. Elle me demanda quel effet cela avait produit sur moi. Je lui avouai naïvement que j'avais ressenti les désirs les plus violents, mais qu'une chose m'embarrassait beaucoup. « Et qu'est-ce que c'est ? » dit-elle. « Que cette chose ?»« Eh, mais, répondis-je, cette terrible machine, comment est-il possible qu'elle puisse entrer sans me faire mourir de douleur ? Puisque vous savez bien que je ne saurais souffrir que le petit doigt. À l'égard du bijou de ma maîtresse et du vôtre, je conçois aisément par leur dimension que vous ne risquez rien. Enfin, quelque délectable qu'en soit le plaisir, je crains d'en faire l'essai. » Phoebe me dit en riant qu'elle n'avait pas encore ouï personne se plaindre, qu'un semblable instrument eût jamais fait de blessure mortelle en ces endroits-là, et qu'elle en connaissait d'aussi jeune et d'aussi délicate que moi, qui n'en était pas morte. Qu'à la vérité, nos bijoux n'étaient pas tous de la même mesure, mais qu'à un certain âge, après un certain temps d'exercice, cela prêtait comme un gant. Qu'au reste, si celui-là me faisait peur, elle m'en procurerait un d'une taille moins monstrueuse. « Vous connaissez, poursuivit-elle, Polly Phillips, un jeune marchand génois l'entretien ici. L'oncle du jeune homme est immensément riche et très bon pour lui. Il l'a envoyé ici en compagnie d'un marchand anglais, son ami, sous le prétexte de régler des comptes, mais en réalité, pour complaire au désir qu'il avait de voyager et de voir le monde. Il a rencontré Polly par hasard dans une société, en est devenu amoureux, et il la traite assez bien pour mériter qu'elle s'attache à lui. Il vient la voir 2 ou 3 fois par semaine. Elle le reçoit dans le cabinet clair du premier étage. On l'attend demain. Je veux vous faire voir ce qui se passe entre eux, d'une place qui n'est connue que de Madame Brown et de moi. » Le jour suivant, Phoebe, ponctuel à remplir sa promesse, me conduisit par l'escalier dérobé dans un réduit obscur, où l'on mettait en réserve de vieux meubles et quelques caisses de liqueur, et d'où nous pouvions voir sans être vus. Les acteurs parurent bientôt, et après de mutuelles embrassades de part et d'autre, il la conduisit jusqu'au lit de repos, en face de nous. Tous deux s'y assirent, et le jeune génois servit du vin avec des biscuits de Naples sur un plateau. Puis, après quelques questions qu'il fit en mauvais anglais, il la déshabilla jusqu'à la chemise. Polly, à son exemple, en fit autant, avec toute la diligence possible. Alors, comme s'il eût été jaloux du linge qui la couvrait encore, il la mit en un clin d'œil toute nue et exposa à nos regards les membres les mieux proportionnés et les plus beaux qu'il fût possible de voir. La jeune fille, qui était, je le suppose, très habituée à ce procédé, rougit, il est vrai, mais pas autant que moi-même, lorsque je pus la contempler debout et toute nue, avec sa chevelure noire, dénouée et flottante, sur un cou et des épaules d'une blancheur éblouissante, tandis que la carnation plus foncée de ses joues prenait graduellement un ton de neige glacée, car telles étaient les teintes variées et le poli de sa peau. Polly n'avait pas plus de 18 ans. Les traits de son visage étaient réguliers, délicats et doux. Sa gorge était blanche comme la neige, parfaitement ronde et assez ferme pour se soutenir d'elle-même sans aucun secours artificiel. Deux charmants boutons de corail, distants l'un de l'autre, pointés en sens divers, en faisaient remarquer la séparation. Au-dessous, se profilait la délicieuse région du ventre, terminée par une section à peine perceptible qui semblait fuir par modestie et se cacher entre 2 cuisses potelées et charnues. Une riche fourrure de zibeline la recouvrait. En un mot, Polly était un vrai modèle de peintre et le triomphe des nudités. Le jeune Italien, encore en chemise, ne pouvait se lasser de la contempler. Ses mains, aussi avides que ses yeux, la parcouraient en tous sens. En même temps, le gonflement de sa chemise faisait juger de la condition des choses qu'on ne voyait pas. Mais il les montra bientôt dans tout leur brillant, en se dépouillant à son tour du linge qui les cachait. Ce jeune étranger pouvait avoir alors environ 22 ans. Il était grand, bien fait, taillé en Hercule, et sans être beau, d'une figure fort avenante. Son nez inclinait du romain, ses grands yeux étaient noirs et brillants, et sur ses joues, un incarnat paraissait qui avait bien sa grâce. Car il était de complexion très brune, non de cette couleur foncée et sombre qui exclut l'idée de fraîcheur, mais de ce teint clair d'un luisant olivâtre qui dénote la vie dans toute sa puissance et qui, s'il éblouit moins que la blancheur, plaît cependant davantage lorsqu'il lui arrive de plaire. Ses cheveux trop courts pour être noués tombaient sur son cou en boucles petites et légères. Aux environs des seins apparaissaient quelques brindilles d'une végétation qui ornait sa poitrine, indice de force et de virilité. Son compagnon sortait avec pompe d'un taillis frisé. Ses dimensions me firent frissonner de crainte pour la tendre petite partie qui allait souffrir ses brusques assauts. Car il avait déjà jeté la victime sur le lit et l'avait placée de façon que je voyais tout à mon aise le centre délectable, dont le pinceau du guide n'aurait pu imiter le coloris vermeil. Alors Phoebe me poussa doucement et me demanda si je croyais l'avoir plus petit. Mais j'étais trop attentive à ce que je voyais pour être capable de lui répondre. Le jeune gentleman, en ce moment, ne menaçait pas moins que de fendre la charmante enfant, qui lui souriait et semblait défier sa vigueur. Il se guida lui-même, et après quelques saccades, l'aimable Polly laissa échapper un profond soupir, qui n'était rien moins qu'occasionné par la douleur. Le héros pousse. Elle répond en cadence à ses mouvements. Mais bientôt leur transport réciproque augmente à un tel degré de violence qu'ils n'observent plus aucune mesure. Leurs secousses étaient trop rapides et trop vives, leurs baisers trop ardents pour que la nature y pût suffire. Ils étaient confondus, anéantis l'un dans l'autre. « Ah, ah, je n'y saurais tenir, c'en est trop, je m'évanouis, j'expire, je meurs. » C'étaient les expressions entrecoupées qu'ils lâchaient mutuellement dans cette agonie de délices. Le champion, en un mot, faisant ses derniers efforts, annonça, par une langueur subite répandue dans tous ses membres, qu'il touchait au plus délicieux moment. La tendre Polly ajouta qu'elle y touchait aussi, en jetant ses bras avec fureur de côté et d'autre, les yeux fermés, avec une sorte de soupir sangloté, à faire croire qu'elle expirait. Quand il se fut retiré, elle resta quelques instants encore sans mouvement. Elle sortit à la fin de son évanouissement, et sautant au cou de son ami, il parut, par les nouvelles caresses que la friponne lui prodigua, que l'essai qu'elle venait de faire de sa vigueur ne lui avait point déplu. Je n'entreprendrai pas de décrire ce que je sentis pendant cette scène, mais de cet instant, adieu mes craintes. Et j'étais si pressée de mes désirs que j'aurais tiré par la manche le premier homme qui se serait présenté, pour le supplier de me débarrasser d'un brimborion qui m'était désormais insupportable. Phoebe, quoique plus accoutumée que moi de semblables fêtes, ne put être témoin de celle-ci sans être émue. Elle me tira doucement de ma place d'observation et me conduisit du côté de la porte. Là, faute de chaise et de lit, elle m'adossa contre le mur et alla reconnaître cette partie où je sentais de si vives irritations. Elle fit un effet aussi prompt que celui du feu sur la poudre. Alors nous revînmes à notre poste. Le jeune étranger était assis sur le lit, vis-à-vis de nous. Polly, assise sur un de ses genoux, le tenait embrassé. L'extrême blancheur de sa peau contrastait délicieusement avec le brun doux et lustré de son amant. Leurs langues enflammées, collées l'une contre l'autre, semblaient vouloir pomper le plaisir dans sa source la plus pure. Pendant ce tendre badinage, le champion avait repris une nouvelle vie. Tantôt la folâtre Polly le flattait, tantôt elle le pressait et le serrait. Le jeune homme, de son côté, après avoir épuisé en la caressant toutes les ressources de la luxure, se jeta tout à coup à la renverse et la tira sur lui. Elle demeura ainsi quelques instants, jouissant de son attitude. Mais bientôt l'aiguillon du plaisir, les embrasant de nouveau, ce ne fut plus qu'une confusion de soupirs et de mots mal articulés. Il la serre étroitement dans ses bras, elle le presse dans les siens, la respiration leur manque, et ils restent tous deux sans donner aucun signe de vie, plongés et absorbés dans une extase mutuelle. J'avoue qu'il ne me fut pas possible d'en voir davantage. Cette dernière scène m'avait tellement mise hors de moi-même que j'en étais devenue furieuse. Je saisis Phoebe comme si elle avait eu de quoi me satisfaire. Elle eut pitié de moi, et me faisant signe de la suivre, nous nous retirâmes dans notre chambre. La première chose que je fis fut de me jeter sur le lit. Ma compagne, s'y étant mise aussi, me demanda si je me sentais maintenant à l'humeur guerrière, ayant eu le temps de reconnaître l'ennemi. je ne lui répondis qu'en soupirant. Elle me prit alors la main et la conduisit à l'endroit où j'aurais voulu rencontrer le véritable objet de mes désirs. Mais ne trouvant qu'un terrain plat et creux, je me serais retiré brusquement, si je n'avais pas craint de la désobliger. Je me prêtai donc à son caprice, et lui laissai faire de ma main ce qui lui plut. Quant à moi, je languissais désormais pour quelque chose de plus solide, et n'étais pas d'humeur à me contenter de ces amusements insipides, si Madame Brown y pourvoyait bientôt. Je sentais même qu'il me serait difficile de différer jusqu'à l'arrivée de Milord B., quoiqu'on l'attendît incessamment. Par bonheur, je n'ai pas besoin ni de lui, ni de ses dépens. L'amour en personne, lorsque je l'espérais le moins, disposa de mon sort. Partie fine à Chelsea avec mon bel adolescent. 2 jours après l'aventure du cabinet, m'étant levé par hasard, plus matin qu'à l'ordinaire, et tout le monde dormant encore, je descendis pour prendre le frais dans un petit jardin dont l'entrée m'était interdite, quand il y avait des chalands au logis. Je fus extrêmement surprise, en voulant traverser un salon, de voir un jeune gentleman qui dormait profondément dans un fauteuil. Ses insouciants compagnons l'avaient laissé là après l'avoir enivré et s'étaient retirés chacun en compagnie d'une maîtresse. Sur la table, restait encore le bol de punch et les verres, dans tout le désordre imaginable après une orgie nocturne. Je m'approchai par un mouvement naturel aux femmes pour voir sa physionomie. Mais au ciel, quel spectacle! Il n'est pas possible d'exprimer l'impression subite que fit sur moi cette charmante vue. Non, cher et doux objet de mes tendres inclinations, je n'oublierai jamais cet instant fortuné où mes yeux émerveillés t'adorèrent pour la première fois. Il me semble que je te revois encore dans la même attitude. Figurez-vous, madame, un blond adolescent de 18 à 19 ans, la tête inclinée sur un coin du fauteuil, les cheveux épars en boucles légères, ombrageant à demi un visage, où la jeunesse, dans toute sa fleur, et les grâces viriles se réunissaient pour fixer mes yeux et mon cœur. La langueur même et la pâleur de ce visage, où par suite des excès de la nuit le lys triomphait momentanément sur la rose, imprimait une indicible douceur aux plus beaux traits qu'on pût imaginer. Ses yeux clos de sommeil ne laissaient voir que les tranches de leurs paupières réunies, délicieusement bordées de longs cils. Au-dessus, 2 arcs, tels que le crayon n'en saurait dessiner de plus régulier, ornaient son front, haut, blanc et lisse. Enfin, une paire de lèvres vermillonnées, saillantes et gonflées, comme si une abeille venait de les piquer, semblaient me porter, au nom de ce charmant dormeur, un défi que j'allais accepter. Si la modestie et le respect inséparables dans les deux sexes d'une véritable passion n'avaient arrêté ce premier mouvement. Mais en voyant son col de chemise déboutonné et sa poitrine découverte, plus blanche qu'une nappe de neige, le plaisir de la contempler ne fut pas assez puissant pour me le faire prolonger, au risque d'une santé qui devenait tout d'un coup le souci de ma vie. L'amour qui me rendait timide me rendit tendre aussi. Je lui pris doucement la main et l'éveillai. Il parut d'abord étonné et tressaillit en me regardant d'un air égaré. Mais après m'avoir considéré, il me demanda quelle heure il était. Je le lui dis et j'ajoutai que je craignais qu'il ne s'enrhumât en restant ainsi exposé à l'air. Il me remercia avec une douceur qui répondait admirablement à celle de ses yeux. Il ne doutait pas que je fusse une des pensionnaires du bercail et que je ne vinsse pour lui offrir mes services. Néanmoins, soit qu'il craignît de m'offenser, soit que sa politesse naturelle le retint dans les bornes de l'honnêteté, il me parla le plus civilement du monde. Et me donnant un baiser, il me dit que si je voulais passer une heure avec lui, quoique mon amour naissant m'y invitât, la crainte d'être surprise par les gens de la maison me retenait.